إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue maintenant, c'est la sixième partie dans l'explication du livre Ijma' al-Ulama ala al-Hajr wa al-Tahzir min Ahl al-Ahwa, c'est-à-dire le consensus des savants sur le fait de s'écarter et de mettre en garde contre les gens de bid'ah, les gens de la passion. Donc on est dans le chapitre 3 maintenant au sujet de l'attitude qu'on doit adopter envers les livres des gens de bid'ah. On a lu qu'est-ce que les salafs faisaient avec les gens de bid'ah. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec leurs livres? On a lu qu'est-ce que le cheikh a mentionné comme exemple. Il a cité quelques exemples pour débuter. Mais là, maintenant, il va mentionner des citations des imams de la sunna. Et il va mentionner le consensus de ces imams sur le fait qu'il est obligatoire de cesser de regarder dans les livres des gens de bid'ah. Et que les gens les imams de la sunna n'ont jamais dit prenez la vérité qui est dans ces livres et laissez le faux. Ils n'ont jamais dit ça. Donc le cheikh il commence par une citation qui est la parole de l'imam Ibn Khuzaymah, cheikh al-Islam Ibn Khuzaymah, qui est mort en l'an 311, qui est un des grands ulama parmi les ulama des salafs, et qui a écrit de nombreux livres pour réfuter les gens de bid'ah, réfuter les jahmiyyah et les gens qui nient les noms et les attributs. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, et dans ce livre-là, il affirme les attributs et il réfute ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a d'autres livres également, des livres de hadith et autres. Donc c'est un des grands imams, rahimahullah. Donc lorsqu'on lui a posé la question au sujet de Al-Kalam, le fait de parler au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des noms d'Allah, des paroles d'innovation au sujet des noms et des attributs, voici ce qu'il a répondu. Il a dit que c'est une bid'a qu'ils ont innovée, une bid'a qu'ils ont inventée. Et les imams des musulmans, les imams, c'est-à-dire les grands savants des musulmans, de même que les têtes parmi les responsables des grands madahib et des imams de la religion, comme Malik, l'imam Malik, Sufyan al-Thawri, l'imam al-Awza'i, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Ishaq, Ibn Rahouya, l'imam Yahya ibn Yahya, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam Muhammad ibn Yahya et Abu Hanifa et Muhammad ibn al-Hassan et Abu Yusuf, ils n'ont jamais parlé de ces choses-là. C'est-à-dire ils ne sont jamais rentrés dans ces choses de bid'a et dans ces choses de kalam. Et il dit ensuite, et ils interdisaient de parler et discuter au sujet de ce genre de choses. Et il dit ensuite, ils indiquaient à leurs compagnons de suivre le Coran et la Sunna. Alors prenez garde de rentrer dans ce genre de discussion ou de regarder dans les livres de ces gens-là. Peu importe la situation, peu importe le cas. Donc ça c'est la première citation qui montre que on met en garde contre le fait même de regarder dans leurs livres. Et ça donne l'impression en même temps qu'on utilise ce terme, وَالنَّظَرُ فِي كُتُبِهِمْ, ça donne l'impression même de regarder. Il n'a pas dit de lire, il a dit de regarder. Et quand tu regardes souvent, c'est juste par curiosité. Tu dis, ah, je veux juste regarder. Tu regardes comme ça. Et tu risques de tomber sur quelque chose, puis après tu restes dessus. Tu commences à le lire, et après tu tombes dans des shubuhat, et tu t'égares par la suite. Donc, non seulement l'interdiction de lire ces livres-là, mais de les regarder même, de regarder en dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite, une autre citation d'un autre imam, qui est Abu Mansour Muammar, ou Ma'mar ibn Ahmad, qui est mort en l'an 418. Et l'imam Abu al-Qasim al-Asfahani, il rapporte à son sujet dans son livre Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah, il dit que Ahmad ibn Abdul Ghaffar ibn Ashta nous a dit que Abu Mansour Ma'mar ibn Ahmad a dit: lorsque j'ai vu l'étrangeté de la Sunna, que la Sunna est devenue étrange, et la grande quantité d'innovation, et quand j'ai vu les gens suivre les passions, j'ai aimé donner un conseil ou donner une exhortation à mes compagnons et au reste des musulmans, et de leur conseiller de suivre la sunna, et je leur ai donné l'exhortation de la sagesse. Donc il dit, et de suivre ce sur quoi étaient unis les gens du hadith et de la tradition et de la narration, et les gens de la connaissance et du tasawwuf parmi les salafs qui ont précédé, et le reste de ceux qui sont venus par la suite. Il y a une note de bas de page ici, quand il mentionne le terme tasawwuf, le soufisme, il dit, les soufis de son temps étaient sur la voie des salafs. C'était quelque chose qui se limitait juste à s'écarter des choses de la dunya, à faire plus d'adoration, puis à s'écarter des choses douteuses. Et ça, c'est très clair dans sa aqidah qu'il a mentionné dans son livre Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah, que ça ne fait pas partie des formes de tasawuf qui sont développées par la suite et qui ont dévié, et qui sont devenues des formes de sectes et d'égarements et de bid'ah. Et ils sont rentrés dans la philosophie et qui ont mélangé à l'islam toutes sortes de croyances qui sont tirées du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme et du judaïsme et d'autres philosophies étrangères à l'islam. Et même ils ont fait rentrer dedans le sihr et toutes sortes d'autres formes de charlatanisme. Donc ça, c'est des choses qui ont dégénéré par la suite dans le soufisme. Mais lui, il parle, quand il parle de ça, il ne parle pas de cette catégorie-là ou de cette sorte-là. Et de façon générale, alhamdoulilah, les ulama de Ahlus Sunnah, ils disent que même ce terme de tasawuf, c'est pas quelque chose que les sahaba connaissaient. C'est quelque chose qui est venu après. Okay? Et donc, le mieux, c'est de s'en écarter et de ne même pas l'utiliser, puisque c'est quelque chose qui est devenu un terme équivoque qui prête à confusion, puisque ça mélange le faux et le vrai. Donc, quand on trouve des paroles ou des mots ou des principes comme qui impliquent des choses vraies et fausses en même temps, eh bien, dans ce cas-là, le mieux, c'est de les éviter complètement, pour éviter l'ambiguïté. Parce que toi, tu veux peut-être dire qu'est-ce qui est bon dedans, puis l'autre, quand il en parle, il parle de qu'est-ce qui est mauvais, ou le contraire. Donc, pour éviter cette confusion-là, d'éliminer tout ce qui est pas mentionné dans qu'est-ce qui est clair du Coran et de la Sunna et de la voix des Sahaba. Donc, il dit donc ensuite, après leur avoir mentionné des exemples des choses sur lesquelles les imams et les ulama et les gens de la connaissance parmi les salafs ont suivi, il leur dit par la suite, Et parmi les choses qui font partie de la sunna, il faut abandonner al-ra'y. Et al-ra'y, c'est quoi? C'est le fait de se baser sur la logique ou sur la raison ou sur des opinions qui opposent le Coran et la sunna. Donc on appelle les gens du ra'y, en général c'est les gens de bid'ah, ashab al-ra'y. Et c'est ceux qui se basent sur des, hein, sur la logique ou sur la raison et sur d'autres idées, des principes qui sont en opposition avec la sunna. Et le qiyas dans la religion, de faire des analogies, et en particulier de faire des analogies dans la religion, c'est-à-dire dans la croyance, dans la aqida, parce qu'on ne peut pas faire d'analogie dans ces choses-là. Et également de faire des analogies sans preuve, ou sans se référer à des fondements, c'est-à-dire au Coran et à la sunna. Donc, il y a des gens qui ont exagéré dans le qiyas et qui sont tombés dans l'extrémisme ou dans l'exagération là-dedans, puis qui se sont égarés à cause de ça. Donc, il faut abandonner al-ra'y ou al-qiyas dans la religion et abandonner les discussions, les débats, hein, les débats, les discussions, les disputes au sujet de la religion. Hein, al-khusumat ou al-jadal ou al-jidal. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre de côté, et en particulier quand c'est pour défendre le batil ou pour défendre ce qui est contraire au Coran et à la Sunna. Et il dit, et également d'abandonner les paroles et les idées des qadariyas, à ceux qui rentrent dans les questions de prédestination et qui essaient de nier le qadar, et les innovations des gens de kalam, des philosophes, les gens qui rentrent dans la philosophie, qui essaient d'interpréter la religion selon la philosophie des Grecs ou d'autres philosophies contraires à l'islam. Et de cesser de regarder dans les livres de kalam et dans les livres d'astrologie. Hein? Donc il dit, ça c'est la sunna sur laquelle les imams étaient tous d'accord. Ils étaient tous unis. Et cette sunna, elle est prise du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, voici d'autres paroles et d'autres positions des hommes de science parmi les gens de la sunna qui clarifient, yani, pour que soit plus clair encore, yani, la véracité de ce qu'on est en train de mentionner. Il dit, Abdullah ibn Ahmad, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, j'ai entendu mon père dire, Salam ibn Abi Muti' min al-Thiqat. Il dit, Salam ibn Abi Muti' fait partie des gens fiables, des rapporteurs fiables. Et il nous a dit, hein, il nous a été rapporté selon lui, Ibn Mahdi nous a rapporté de lui, puis ensuite il a dit, mon père a dit ensuite, que Abu Awana a écrit un livre. Et dans ce livre, il a mentionné des défauts des sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup d'autres malheurs dans ce livre aussi. Donc Salam ibn Abi Muti' est venu. Et il lui a dit, oh Abu Awana, donne-moi ce livre. Alors il lui a donné. Alors Salam ibn Abi Muti' a pris le livre et il l'a brûlé. Alors mon père a dit, c'est-à-dire le père de Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, il dit, mon père a dit, Salam, c'est-à-dire Salam ibn Abi Muti' fait partie des compagnons de Ayyub. Et c'était un homme pieux. Hein? Il a fait ses éloges. Et il a mentionné du bien de lui, du fait qu'il a agi de cette façon-là. Il a mentionné dans le livre, c'est mentionné dans le livre, Al-Ilal fi ma'rifat al-Rijal. Et il dit, وعن الفضل ابن زياد, qu'un homme a demandé à propos de ce que Salam ibn Abi Muti' a fait. Alors il dit, l'imam Ahmed a répondu, je souhaite que cela ne lui nuise pas, je souhaite que cela ne lui nuise pas, Inch'Allah. Alors Abu Abdillah la personne qui a posé la question à l'imam Ahmad, hein, il lui demande au sujet de ce que Salam ibn Abi Muti' a fait, il demande, il dit à l'imam Ahmad, je souhaite que qu'est-ce qu'il a fait, ça ne va pas lui nuire, inshallah. Et l'imam Ahmad a répondu, lui nuire? En vous l'a dit, il est étonné, comment ça pourrait lui nuire? Il dit, non, au contraire, il sera récompensé, inshallah. L'imam Ahmad a dit, non, au contraire, il sera récompensé, hein, de qu'est-ce qu'il a fait. Donc l'autre a pensé que qu'est-ce qu'il avait fait, c'était mal, hein. Il a pris un livre où il y a les insultes des sahaba et d'autres bid'a dedans, et d'autres égarements dedans. Il l'a pris, il l'a brûlé. L'autre a pensé que c'était mauvais, qu'est-ce qu'il a fait. Il a demandé à l'imam Ahmad, hein, est-ce que ça va lui nuire, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que ça peut le nuire. Il a dit, lui nuire, jamais, hein. Au contraire, il sera récompensé pour ça. Ça, c'est tiré de As-Sunna de l'imam Al-Khalal, un des compagnons de l'imam Ahmad. قال الفضل ابن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي عن الكرابيسي وما أزهره فكحل وجهه ثم قال donc il dit j'ai demandé à l'imam Ahmad au sujet de Al-Karabisi et de qu'est-ce qu'il a fait paraître, parce que c'est un homme qui a fait paraître plusieurs bid'ahs. Alors que c'était quelqu'un qui rapportait le hadith, hein, et qui parlait de science, et ainsi de suite. Donc il a laissé sortir des bid'ahs, il a laissé paraître des innovations. Alors quand il a posé la question à son sujet, à l'imam Ahmad, hein, le visage de l'imam Ahmad est devenu renfrogné, hein, est devenu, hein, comme en colère. Et il a dit, leur malheur est venu de ce genre de livre qu'ils ont écrit. Et ils ont abandonné les hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les narrations du hadith, les narrations du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, et ils se sont tournés vers ces livres-là, en parlant des livres de bid'a comme celui que Al-Karabisi a écrit. C'est tiré de Al-Ma'rifa wa Tariq de l'imam Al-Fasawi. Donc les ulama à l'époque, ils aimaient pas que des livres soient écrits. Sauf si c'était des livres de hadith, hein, et des livres de la sunna. Mais quand des gens ont commencé à écrire des livres et à mettre des bid'ahs dedans, ils ont commencé à mettre en garde et à les avertir. Ensuite, il dit, وَقَالَ الْمَرْوَزِي L'imam al-Marwazi, un des grands imams parmi les salafs, il dit, j'ai demandé à l'imam Ahmad, j'ai emprunté un livre de quelqu'un et dedans il y avait des choses mauvaises. Est-ce que tu vois que je devrais le brûler ou je devrais le déchirer? Et l'imam Ahmad a dit oui. Hein? Est-ce que je devrais le brûler ou le déchirer? Il a dit oui. Alors Al-Marwazi a dit, oh Abu Abdullah, dit à l'imam Ahmad, ils mettent dans leur livre des bid'ahs et moi je ne fais qu'avertir, hein, d'un avertissement sévère contre les gens. Donc il lui confirme ça. Ensuite il dit, et l'imam Ahmad a dit aussi, prenez garde de ce que ces gens-là écrivent, hein, ou de ce qui est écrit de la part d'un d'entre ces gens de bid'ah, que ce soit petit ou grand. Et je vous enjoins, hein, de suivre les gens qui suivent le hadith et les sunan, hein, qui s'accrochent à la sunna. نصير أعلم النبلاء عن حرب ابن إسماعيل qui a dit j'ai demandé à Ishaq ibn Rahuya, un des imams parmi les salafs, je lui ai dit un homme a volé un livre et le livre qu'il a volé c'est le livre d'un homme qui a l'opinion de Jahm ibn Safwan, celui qui nie les noms et les attributs d'Allah, ou bien l'opinion de ceux qui nient la prédestination. Alors l'imam Ishaq a répondu, il a dit qu'il le jette, c'est-à-dire ce livre-là qu'il a volé, qu'il le jette. Après il a dit innahu akhadha qabla an yahriqahu aw yurmi bihi hal alayhi qat'. Donc celui-là, il a été attrapé avant qu'il l'ait brûlé et avant qu'il l'ait jeté. Est-ce qu'on doit lui couper la main parce qu'il a volé ce livre? Elle a dit non, on ne lui coupe pas la main pour ça. Et j'ai dit à Ishaq, et un homme, il a chez lui des livres avec l'opinion des gens de Al-Irja, c'est-à-dire des gens qui disent que la foi c'est juste dans le cœur, que les paroles et les actions font pas partie de la foi. Ou bien des livres dans lesquels il y a la négation de la prédestination, ou bien d'autres bid'ahs. Et j'ai emprunté ce livre de lui. Puis quand ce livre-là était en ma possession, je l'ai brûlé ou je l'ai déchiré. Il a dit, il n'a rien à rembourser. Il n'y a rien contre lui. Ça c'est dans As-Sunnah, tiré de As-Sunnah. Et l'imam Malik, Malik ibn Anas, il a dit, il n'est pas permis de donner, de payer ou de donner de donner de l'argent pour quoi que ce soit des livres des gens de la passion et de bid'ah ou des livres d'astrologie. Ça c'est dans Jami'u Bayan al-Ilm. Et également Abu Muhammad ibn Abi Hatim, il dit, j'ai entendu Abu Zur'a, et il dit, j'ai entendu mon père et Abu Zur'a, il parle de son père, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Tous les deux ordonnaient de s'écarter des gens de la déviation et de bid'ah. Et ils étaient rudes là-dedans. Ils étaient rudes dans ça. Et ils avaient la plus grande dureté à ce sujet-là. Et ils condamnaient le fait d'écrire des livres qui contiennent des opinions qui sont autres que du hadith. Et ils interdisaient de s'asseoir avec les gens de Kalam ou de regarder dans le livre des gens de Kalam. Et tous deux disaient, la personne qui rentre dans le Kalam et qui utilise le Kalam, il n'aura jamais le succès. Donc ça c'est dans Sharh Usul Al-Atiqad Ahl-Sunnah de l'imam Al-Lalaka'i. Et il dit également, j'ai trouvé dans le livre de Abu Hatim, Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Hanzali al-Razi, il dit, notre position et notre choix, c'est de suivre le messager d'Allah et de suivre ses compagnons et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, et d'abandonner le fait de regarder dans les places où ils ont mis leur bid'ah. C'est-à-dire de regarder dans leurs livres, comme le livre de Al-Karabisi, comme il le mentionne à la fin. L'imam Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, tous les deux mentionnaient ça. Et ils ordonnaient également de s'accrocher au madhab des gens du hadith et de l'Athar. Et d'abandonner l'opinion des gens qui sont, des gens qui mélangent la vérité et le faux. Et des gens qui sont des menteurs, ou qui déforment la réalité, ou qui essaient d'embellir le faux. Et d'abandonner le fait de regarder dans les livres de Al-Karabisi. Al-Karabisi qu'on a mentionné tout à l'heure, qui a écrit des livres dans lesquels il y avait des bid'ahs. Et de s'écarter de celui qui défend ce genre de personnes parmi ses compagnons. Et Abu Nu'aym, ou bien Nu'aym ibn Hammad, il disait, j'ai dépensé de l'argent, j'ai dépensé 5 dinars dans le livre de Ibrahim ibn Abi Yahya. Puis un jour il est venu vers nous avec un livre dans lequel il y avait la négation de la prédestination et des paroles au sujet de ce genre de choses, et un livre à propos de l'opinion de Jahm ibn Safwan, qui nie les attributs d'Allah. Alors il dit, je l'ai lu et j'ai su. Alors je lui ai dit, c'est ça ton opinion? Il a dit oui. Alors il dit, j'ai brûlé certains de ces livres et je les ai jetés. Et l'imam Abu Nasr Ubaydillah ibn Sa'id al-Sajzi, il dit dans la lettre qu'il a écrite aux gens de Zabid, dans la réfutation de celui qui nie la lettre et la voix. Un chapitre, c'est le chapitre 11 dans son livre. C'est un livre que l'imam Sajdi a écrit pour réfuter les Asha'ira. Parce que les Asha'ira, ils nient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ils disent que la parole d'Allah, elle n'a ni voix ni lettre. On ne peut pas, elle n'est pas composée de lettres et on n'entend pas la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'il n'a pas de voix. Donc, il a écrit un livre pour le réfuter et pour affirmer la position de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Puisque quand on lit la parole d'Allah dans le Coran, c'est composé de lettres. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des hadiths sahih dans Al-Bukhari et ailleurs qui mentionnent, et même dans le Coran, il mentionne qu'il va parler aux gens au jour de la résurrection et qu'il a parlé à des prophètes. Et que ces prophètes-là ont entendu sa voix. Donc, on affirme qu'est-ce que Allah a affirmé. Donc, dans le chapitre 11 de ce livre, il a écrit le fait de faire attention ou de prendre garde à tout le monde, c'est-à-dire de ne pas écouter ou de ne pas prendre de tout le monde, de ne pas faire confiance à tout le monde et de ne pas prendre de tous les livres qu'on trouve. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de confusion qui a été propagée, beaucoup de mensonges contre les différentes écoles de fiqh et de la voie des salafs et ainsi de suite qui se sont propagées. Donc il faut se méfier, il faut prendre des précautions, il faut pas prendre n'importe quel livre et il faut pas écouter n'importe qui. Il dit, sachez que Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'à moi-même, il dit que ce chapitre c'est un des chapitres les plus importants. Parce que c'est un des chapitres qui protège contre les malheurs. Hein? Et beaucoup de gens tombent dans ces problèmes, dans les problèmes dans la croyance et dans leur aqidah à cause du fait qu'ils font preuve de négligence à ce sujet-là. Et il dit que c'est pour ça que les gens de notre époque, ils sont tombés dans la confusion. Imaginez, il parlait de son époque à lui. Hein? Et Yali, c'est comme ça fait peut-être... disons peut-être 8 ou 9 siècles avant nous, et il écrivait ces paroles-là. Alors imaginez nous à notre époque, hein? Donc il dit que les gens sont dans la confusion et l'hésitation, et peu de gens se basent sur qu'est-ce qui est sûr et certain et clair, et certains même vendent leur religion à petit prix pour faire plaisir à quelqu'un. Hein? Et donc, ça c'est dangereux. Et également, le mensonge est propagé. Et il dit donc que c'est obligatoire pour tout musulman qui aime être sauvé, hein, et être épargné de l'égarement, de faire attention de ne pas écouter n'importe qui et de ne pas prendre de n'importe quel livre et de ne pas s'abandonner à n'importe qui nous montre un accord quelconque. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui dans ces questions de religion, parce que c'est très grave et c'est très dangereux. Et donc il dit, celui qui désire être sauvé, avoir le salut et être épargné des passions, alors que sa balance par laquelle il pèse les choses et il juge soit le Coran et la Sunna dans tout ce qu'il entend et dans tout ce qu'il voit. Et s'il est savant de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, hein, il juge par le Coran et la Sunna et il suit la voie des salafs. Et il ne doit pas accepter la parole de n'importe qui, hein, et accepter ce qu'il dit. Sauf s'il ramène un verset qui est explicite et clair, et une sunna qui est authentique, ou une parole d'un sahabi qui est venu avec une voix authentique. Et qu'il prenne garde aux livres qui ont été écrits, dont les gens ont changé dans leur état, parce qu'il y a des scorpions dedans. Hein? Et il se peut qu'ils ne trouvent pas la personne ou le savant qui va pouvoir hein, le guérir de ses malheurs si il a été piqué par la suite. Donc ça c'est tiré de ce livre, hein, de l'imam As-Sijdi. Ensuite il dit wa qala Abu Usman Saïd ibn Amr al-Barda'i. Il dit j'ai été témoin, j'ai vu Abu Zur'a, hein, un des imams parmi les salafs. Et on lui a posé la question au sujet de Al-Harith al-Muhasibi et de ses livres. Alors, la personne qui pose la question, Al-Harith al-Muhasibi, c'est une personne qui faisait partie des hommes pieux de son époque, à l'époque de l'imam Ahmad, et qui avait rapporté même des hadiths, mais qui est rentré par la suite dans Al-Tasawwuf, dans le soufisme, mais qui contient des innovations, et dans Ilm al-Kalam. Hein? Donc, quand il est rentré dans ces choses-là, l'imam Ahmad a mis en garde contre lui, et d'autres imams également, et contre ses livres aussi. Donc, ici c'est quelqu'un qui a posé la question à l'imam Abu Zur'a au sujet de cette personne, Al-Harith al-Muhasibi, et de ses livres. Alors la personne qui a posé, il a répondu à la personne qui a posé la question, il a dit, prends garde à ses livres, hein? Prends garde et fais attention à ses livres. C'est des livres de bid'ah et d'égarement. Et accroche-toi au hadith, aux transmissions, à l'athar. Parce que tu vas trouver dans l'athar, qu'est-ce qui est suffisant pour toi. Et on lui a dit, oui mais dans ces livres il y a des leçons. Dans ces livres il y a des leçons à tirer. Hein? Il a répondu, il lui a dit, celui qui ne trouve pas de leçons dans le livre d'Allah, hein, alors il n'aura pas de leçons à trouver, il ne trouvera pas de leçons dans ce genre de livre non plus. Hein? En voulant dire, si le Coran n'est pas suffisant pour toi, bien ces livres-là sont encore, hein, moins une source de leçons pour toi également. Et il dit, il vous est parvenu que Malik ibn Anas et Sufyan al-Thawri et l'imam al-Awza'i et les autres imams qui nous ont précédés ont écrit ces livres. Est-ce que vous avez déjà entendu que ces imams-là ont écrit ce genre de livres qui parlent de, hein, certaines de leurs intuitions ou de leurs pensées ou de leurs illusions, et ils ont écrit ça dans des livres, hein, en parlant de Al-Muhasibi, parce que c'est ce qu'il fait. Et les soufis, c'est ce qu'ils font souvent. Ils écrivent des livres selon ce qu'ils ont vu dans leurs rêves, ou selon ce qu'ils ont eu dans des états de semi-éveil, ou quand ils étaient en état d'extase, soi-disant, ils écrivent ces trucs-là, puis après ça, ils, hein, diffusent ça aux gens. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu que ces imams-là ont écrit des livres de ce genre? Alors, il dit, donc, ces gens-là, qui écrivent des livres de bid'ah, ils ont contredit les hommes de science. Hein? Et puis ensuite, il a dit, « Ma asra'u nasi ila al-bid'ah. »« Ma asra'u nasi ila al-bid'ah. » C'est-à-dire, c'est comme s'il s'étonne. Il dit, c'est incroyable comment les gens se précipitent rapidement vers les bid'ah. C'est incroyable comment les gens sont rapides pour aller vers la bid'ah. Hein? Donc, il s'étonne de ça. Hein, et de façon à dire comme si c'est grave, qu'est-ce que les gens font quand ils voient une bid'ah, ils se précipitent vers elle au lieu de s'en enfuir, hein, de fuir de ce genre de choses. C'est rapporté dans le livre Ad-Du'afa de l'imam Abu Zur'a. Et ensuite il y a une autre citation à la suite de cette parole. Il y a un commentaire de l'imam Al-Zahabi. L'imam Al-Zahabi, il a lu cette parole de l'imam Al-Razi, et il a commenté là-dessus. Il a dit, wa ayna mithlu al-harith fa kayfa law ra'a Abu Zur'a tasanif al-mutaakhirin kal-qut li Abi Talib, wa ayna mithlu al-qut kayfa law ra'a bahjat al-asrar li Ibn Jahdham wa haqa'iq at-tafsir lis-Salmi la tara lubbuh. Il dit, l'imam Al-Dahabi, il dit comme commentaire, il dit, il parle des gens comme Al-Harith, Al-Muhasibi, il dit, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu, qu'est-ce que Abu Zur'a aurait dit s'il avait vu les livres de ceux qui sont venus par la suite, comme le livre Qut, Qut al-Qulub, écrit par Abu Talib. Et qu'est-ce qu'on dit même de Qut? C'est rien. Si on te mentionne, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu Bahjatul Asrar de Ibn Jahdam, un autre livre de Bid'a? Hein? Et qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu Haqaiq al-Tafsir, écrit par As-Sulami ou As-Silmi? Il aurait perdu sa tête s'il avait vu ces livres-là. Il aurait encore été encore plus, hein, fâché d'avoir vu qu'est-ce qu'il y a dans ces livres-là, et peut-être même il aurait perdu complètement la tête de voir ces livres-là, tellement c'est grave. Et il continue. Il dit, et qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu les livres de Abu Hamid al-Tusi? Hein? Et qu'est-ce qu'il aurait vu? Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu le nombre de hadiths fabriqués qu'il y a dans le livre Ihya Ulumuddin, écrit par Abu Hamid al-Ghazali? Hein? Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu le livre Al-Ghunya, écrit par Abdul Qadir al-Jilani? Hein? Et qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu Fusus al-Hikam et Futuhat al-Makkiya de Ibn Arabi, que les ulama ont déclaré kafir, zindiq? Hein? C'est lui qui dit que Dieu est Allah, Allah est tout est Allah, et qu'il n'y a pas de différence entre le Créateur et la créature. Hein? Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu ces livres-là? Hein? Donc il dit à l'époque de Abu Zur'a, la langue de ces gens-là, c'était lui qui l'exprimait, c'était Al-Haris al-Muhasibi à l'époque, qui représentait l'exemple de ce genre de personnes, parmi les soufis et parmi les gens de Bid'ah, c'était lui à son époque. Et à son époque, il y avait des gens comme l'imam Ahmad ibn Hanbal pour le réfuter, et des gens comme Ibn Rahouya pour le réfuter. Mais lorsque les gens de hadith par la suite sont devenus, disons, moins forts, ou bien que même parmi eux il y en avait qui n'étaient pas, peut-être pas sur la sunna, hein, comme Ibn al-Dakhmis ou bien Ibn Shahana, hein, et bien c'est ce qui est arrivé par la suite. Tu as vu que ces gens-là de Bid'a, ils ont fait sortir des livres encore de plus en plus graves. C'est-à-dire que au début de l'islam, les gens de Bid'a, ils faisaient paraître certaines Bid'a, mais ils se limitaient encore, ils cachaient leurs Bid'a parce qu'ils avaient peur des gens de la sunna. Mais plus le temps avance et plus les ulama de la sunna et les imams diminuent, et moins ils sont grands par rapport à ceux qui les ont précédés, et bien plus ils se permettent, hein, de faire sortir leur fausseté et leurs égarements devant les gens. Donc c'est ce que tu as vu par la suite apparaître des livres d'égarements comme Fusus al-Hikam et d'autres livres également, parmi les livres des hérétiques, hein, qui écrivent des choses qui sont en opposition totale avec l'islam. Et ça, cette citation et cette parole de l'imam al-Dhahabi, qui est un commentaire de la parole de l'imam Abu Zur'a, c'est dans Mizan al-I'tidal. Maintenant, le cheikh Khalid al-Zufayri, hafizahullah, il cite la parole maintenant de cheikh Rabi al-Madkhali. Il dit, après la parole de l'imam al-Dhahabi, notre cheikh, le cheikh Rabi al-Madkhali, il a fait un commentaire lui aussi. Il a commenté sur cette citation de Abu Zur'a. Et il a dit, moi je dis que Allah fasse miséricorde à l'imam al-Dhahabi. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu le livre At-Tabaqat de l'imam de Al-Sha'rani, un des soufis, un des égarés parmi les soufis, qui s'appelle Al-Sha'rani, qui a écrit un livre qui s'appelle At-Tabaqat. Dedans, il rapporte plein d'histoires des soufis, des histoires qui ont ni qu'une ni tête, hein, des histoires de fous. Hein. Et le livre Jawahir al-Ma'ani de Ahmed Tijan, le fondateur de la tariqa Tijaniya. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu ce livre-là? Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu Bulugh al-Amani? Et il dit Wafi Fayd, le livre de Fayd Abu Abbas Tijani, لعلي ابن حرازم الفاسي. Donc tous ces livres-là, écrits par des soufis comme ceux qu'on a mentionnés. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu Khazinatul Asrar de Mohamed Haqqi al-Nazili? Et qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu Nour al-Absar de Al-Shalbanji? Al-Shalbanji. Et qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu Shawahid al-Haq fi Jawaz al-Istighasati bi Sayyid al-Khalq? A'udhu billah. Écrit par, et aussi Jami' al-Karamat, écrit par al-Nabahani. Al-Nabahani, c'est un soufi égaré qui appelle au shirk, qui a écrit un livre qui, dans le titre, il dit la permission d'appeler au secours la meilleure des créatures, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il écrit un livre pour permettre le shirk, et qui prétend que c'est permis d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam au secours pour venir nous aider dans les moments de détresse. Et un autre livre s'appelle Jami' al-Karamat. Alhamdulillah, il y a des ulama qui l'ont réfuté. Il y a dans plusieurs livres. On a mentionné dans les cours précédents un de ces livres-là. Il dit, et qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu également le livre Tablir Inisab, qui est le livre de Jamaat Tablir, qui est rempli de hadiths maudours et même des histoires complètement fausses. Et dans ces histoires, une parmi dans ces histoires qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa main de sa tombe pour saluer Al-Rifa'i, un des shuyukh soufis, et d'autres histoires comme ça, complètement fausses. Et il dit, et d'autres livres également, parmi les livres des gens des turq soufis. Si vous lisez dans ces livres-là, vous allez voir des choses. N'importe quelle personne qui réfléchit ne peut pas accepter ce genre de choses-là. Il y a du kouf, il y a du shirk, il y a toutes les bédas que tu ne peux pas imaginer. Il dit, et qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils avaient vu les livres de Al-Ghazali, à notre époque, Mohamed Al-Ghazali, celui qui est mort il n'y a pas longtemps, le cheikh de Yusuf Al-Qardawi, et qui a écrit des livres dans lesquels il s'attaque à la sunna du professeur sallam, et il s'en moque, et il se moque de ceux qui s'accrochent à la sunna et qui la pratiquent, parmi les jeunes salafis. Et il leur lance toutes sortes d'accusations et de moqueries et de sobriquets, et il se moque d'eux. Il se moque des jeunes qui s'accrochent à la sunna. Ça, c'est dans ses livres. Al-Ghazali. Al-Mustan. Et pourtant, les Ikhwan, ils le vénèrent, celui-là. Ils l'ont élevé à un point. Al-Mustan. Et qu'est-ce qu'ils auraient dit, les salafs, s'ils avaient vu les livres de Al-Maududi? Dans lequel il y a plein de déviations dans la aqida, et même dans la raison et dans le comportement. Dans Al-Maududi, dans un de ses livres, il compare le prophète Youssef alayhi salam à Mussolini. Il dit, ça c'est une position de dictateur qui ressemble un peu à la position de Mussolini en Italie. C'est comme ça qu'il compare le prophète Youssef alayhi salam. Donc il dit, quand Al-Khomeini a pris le pouvoir en Iran, il l'a vénéré, il l'a glorifié, il l'a considéré comme l'imam des musulmans, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait les livres de Al-Qardawi, qui défendent les gens de Bid'a, et qui vient à leur secours, et qui explique leurs fondements. Al-Qardawi, il a écrit un livre pour expliquer les fondements, les 20 fondements des Ikhwan al-Muslimin. Hassan al-Banna, il a écrit un livre qui s'appelle, je pense, Les 20 fondements. Al-Qardawi, il a écrit un livre pour l'expliquer, ce livre-là, le charh de ces 20 fondements-là. Et il prend la même voie qu'Al-Ghazali, même plus dangereux qu'Al-Ghazali, son professeur. Il fait partie des Aqlaniyin, ceux qui interprètent la religion selon sa raison à lui et selon les idées des Occidentaux. Et il dit, et qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils auraient vu les du'at à notre époque, alors qu'ils se sont tournés vers des livres de déviation et qu'ils font, et ils orientent leurs jeunes et leurs fidèles sur des méthodologies des sectes déviées et égarées. Et ils défendent les Mubtadi'a qui sont à la tête de ces groupes-là. Et qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils avaient vu les livres écrits par Al-Kawthari et ses élèves comme Abu Rudda et ses frères, hein, parmi les gens qui sont accrochés fanatiquement au soufisme et aux écoles de fiqh de façon fanatique. Et qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils avaient vu les livres écrits par Al-Bouti, Mohamed Saïd Ramadan Bouti en Syrie, hein, un soufi, ash'ari, hein, extrémiste. Et ceux de cette catégorie et de cette tendance, parmi les ennemis de la sunna et les opposants de la sunna et du tawhid, et opposants de l'école de Ibn Taymiyyah, hein, et qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils auraient vu les jeunes, hein, de la Ummah, et même les jeunes du tawhid qui ont ignoré le manhaj des salaf, ils ont ignoré le Coran et la sunna, et ils se sont tournés vers ce genre de livres, hein, qui amène à la perdition. Donc on voit ici, le cheikh il dit, en note de bas de page, il dit, regardez les exemples, si vous voulez voir les exemples d'égarements dont le cheikh Rabi' parle, et des différentes bid'ahs dont le cheikh parle, eh bien lisez les livres de cheikh Rabi' al-Madkhali à ce sujet-là, comme Adwa Islamiyya. Adwa Islamiyya, c'est un livre où il mentionne les égarements de Sayyid Qutb. Et c'est un très bon livre. Et il y a aussi un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Mata'in Sayyid Qutb fi Ashab Rasulillah. C'est-à-dire les attaques et les insultes de Sayyid Qutb contre les compagnons du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre livre qui s'appelle Al-Awasim Mimma fi Kutub Sayyid Qutb. Min al-qawasim, c'est-à-dire al-awasim, c'est-à-dire les éléments qui vont vous protéger contre ce qu'il y a d'égarement dans les livres de Sayyid Qutb qui peuvent vous briser le dos. Et un autre livre qui s'appelle al-hadd al-fasil bayna al-haqqi wal-batil. Et c'est un livre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est un livre que Cheikh Rabi a écrit pour répondre aux quatre pages de Bakr Abu Zayd dans lesquelles il défend Sayyid Qutb, et il met dedans ces quatre pages plein de shubuhat pour défendre Sayyid Qutb. Cheikh Rabi a réfuté ces quatre pages par un livre de 150 pages avec plein de détails et d'explications. Et parfois un petit livre ou une petite lettre qui est courte mais résumé et condensé avec plein d'idées dedans, peuvent parfois contenir plein d'égarements, et qui ça nécessite par la suite, pour les réfuter, beaucoup de pages, beaucoup d'explications détaillées, beaucoup de clarifications. Et donc c'est ça, parfois même des petits écrits qui sont courts peuvent être très très dangereux parfois. Hein? Il ne faut pas juger par la grosseur d'un texte pour savoir s'il est dangereux ou non. Des fois, c'est des choses, pour les clarifier, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'explications. Et un autre livre aussi qu'il a écrit, c'est Nazaratu fi Kitab At-Taswir Al-Fanni. C'est-à-dire, quelques observations dans le livre At-Taswir Al-Fanni. Parce que Sayyid Qutb, il a écrit un livre qui s'appelle L'illustration artistique dans le Coran. Donc il a écrit, il compare le Coran à une symphonie musicale, puis à comme un film qui passe, ou des choses comme ça, en tout cas. Et comme si c'était une illustration artistique ou je sais pas quoi, Allah musta'an. Donc Cheikh Rabi l'a réfuté là-dessus. Aussi un autre livre qui s'appelle Nadratu Sayyid Qutb ila Ashab Rasulillah. Le regard de Sayyid Qutb sur les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des livres de Cheikh Rabi, mais il en a beaucoup beaucoup d'autres. Ça c'est juste quelques-uns, il en a plus qu'une quarantaine. Et c'est, bien entendu, c'est pas juste à propos de Sayyid Qutb qu'il a écrit, il a écrit à propos de beaucoup d'autres domaines dans la science. des livres sur l'ilm al-hadith, et des livres sur l'aqida, des livres sur d'autres domaines. Mais les livres qu'il a écrits pour la réfutation des gens de bid'a, c'est ce qu'il a fait le plus. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, puisque la plupart des livres d'Ibn Taymiyyah sont des livres de réfutation des gens de bid'a. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite le Cheikh Khalid al-Zufayri, après avoir cité cette citation, il dit. Il dit, pour rajouter par rapport à ce que Cheikh Rabi a dit, il dit, et qu'est-ce que les salafs auraient dit s'ils avaient vu les livres de Sayyid Qutb, et ce que ces livres contiennent comme insultes de certains d'entre les prophètes, comme Adam, alayhi salam, et Moussa, alayhi salam, et également ce que ces livres contiennent comme insultes des sahaba, hein, et même parfois le takfir de certains d'entre eux. Et qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il suit la voie des Rafidah. Et il se réfère au livre des Rafidah, parfois, pour citer des exemples. Et c'est pour cette raison-là que les Shia en Iran se sont référés à ces livres pour faire leur révolution. Hein? Et même qu'ils ont imprimé un de leurs timbres, hein, avec la photo dessus de Sayyid Qutb. Hein? C'est pour montrer qu'ils le considèrent comme un de leurs modèle. Et Hassan al-Banna, il avait des relations avec les Rafidah depuis longtemps. Il a même ouvert une école et un centre en Égypte pour le rapprochement avec les Rafidah. Et si vous voulez, j'ai fait un cours sur ça, 25 cours qui sont sur mon site sur les Rafidah, et j'ai mentionné des exemples de qu'est-ce que le Cheikh Khalid ibn Othman Abu Abdullah al-Misri, qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre à ce sujet-là, qui s'intitule Kashf al-Alaqa al-Muriba bain al-Shia wa l'Ikhwan al-Muslimin, c'est-à-dire de dévoiler les relations douteuses entre les Shia et les Ikhwan al-Muslimin. Et il a vraiment bien clarifié l'affaire et montrer les relations qui existent entre eux, et yani, depuis l'époque même avant Hassan al-Banna, c'est-à-dire l'époque de Al-Afghani, Jamaluddin al-Afghani, et Mohamed Abdou, et Mohamed Rachid Reda, et par la suite Hassan al-Banna, qui a pris de ces gens-là, puis qui a continué dans cette voie-là jusqu'à ceux qui ont suivi parmi les Ikhwan jusqu'à notre époque. Donc ça, c'est des exemples. Donc qu'est-ce qu'ils auraient dit, les salafs, s'ils auraient vu ces livres-là écrits par ces Qutb qui mentionnent ce genre de choses, et qui mentionnent également la bid'a de khalq al-Qur'an, la bid'a que le Qur'an est créé, qui mentionne que le Qur'an est créé, ou la bid'a de wahdatul wujud, qui mentionne que tout est Allah, que Allah est tout, dans son tafsir fi dhilal al-Qur'an. Quand il parle du tafsir de Qul huwa Allahu Ahad, dans ce tafsir, il mentionne la aqida des extrémistes parmi les soufis qui croient en wahdatul wujud. Et ça, c'est une aqida qui est kufr, hein? Et pourtant, il l'expose dans son tafsir. Et également, le fait qu'il défend le socialisme. Et il appelle au socialisme. Et il prétend que le socialisme, c'est l'islam. Hein, ou que l'islam, c'est le socialisme. Et il fait le takfir des sociétés musulmanes. Il appelle au takfir. Donc c'est lui qui est à la source de toutes les tendances de takfir à notre époque. C'est lui qui est celui qui a rallumé le flambeau de ça, du takfir de la voix des khawarij à notre époque. Hein. Et beaucoup d'autres également parmi des bid'as graves. Hein, et des égarements énormes. Immense. Donc, il dit, je vais juste vous donner un seul exemple, une seule citation parmi les exemples de paroles d'insultes contre les Sahaba, puis ensuite, mets ça dans la balance de la charia et la balance de la vérité et hein, de la justice pour voir si c'est correct ou non. Et non pas la balance de la passion et du fanatisme. Donc il dit, Sayyid Qutb a dit dans son livre, Qutb wa Shakhsiyat, c'est-à-dire des livres et des personnalités, il dit dans ce livre-là, à la page 242, Muawiyah et son compagnon, Amr, n'ont pas eu le dessus sur Ali parce qu'ils connaissent plus que lui. Hein, les détails de qu'est-ce qu'il y a dans les armes ou des choses comme ça. Ou plus informés que lui dans la façon d'agir et des manières qui sont convenables d'agir et des différentes circonstances. Mais parce que les deux se laissent utiliser tous les armes possibles. Tandis que lui se restreint au comportement dans la façon de choisir les moyens de lutter. Tandis que ses deux compagnons ont recours, c'est-à-dire, tandis que les deux, Muawiyah et Amr, ont recours au mensonge, à la tricherie, à la trahison, au nifaq, l'hypocrisie, à la rishwa, c'est quoi? Le choix, c'est tu donnes la corruption, c'est ça. Wa shira az-zimam, les pots de vin. Et donc, il dit, donc Ali ne pouvait pas descendre à un niveau aussi bas. Et donc, c'est pas surprenant que ces deux-là ont réussi et que lui ait échoué. Mais c'est un échec qui est plus noble que toute réussite. Donc, vous voyez comment il insulte et il rabaisse deux d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muawiyah et Amr, et comment il parle de la même manière que les Rafidah et que les Shi'as, qui insultent les Sahaba, et qui parlent de Ali et qui élèvent Ali. Pourquoi il fait ça, pourquoi il insulte les Sahaba, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'interdiction de parler en mal de ses compagnons. Le prophète a dit: la tasubbu ashabi fa wallahi nafsi bi yadihi law an ahadakum anfaqa mithla uhud dhahaba ma balagha nisf mudda ahadihim wala nasifa. C'est-à-dire, n'insultez pas mes compagnons, parce que si l'un d'entre vous dépensait la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud et qu'il le donnait en sadaqa, ça n'aurait même pas la valeur d'une poignée de main de ce que donne un sahabi, ou même la moitié. Donc comment tu pourrais oser parler d'eux en mal? Et ça, c'est une des caractéristiques des gens de bid'ah. Et le cheikh, il dit ensuite, et lorsqu'on a posé la question à cheikh Abdelaziz ibn Baz au sujet de cette citation-là, il a dit: ça, c'est une parole laide. Ça, c'est une parole dans lequel il insulte Muawiyah et il insulte Amr ibn al-As. Et tout ça, c'est une parole laide, une parole mauvaise. Et il dit: Muawiyah et Amr sont des mujtahidoun, c'est-à-dire c'est des savants de l'islam qui ont fait un ijtihad et qui se sont trompés. Ce sont des mujtahidoun et ils ont fait une erreur. Et Allah leur pardonne. Et il dit, la personne qui pose la question a dit: qu'Allah soit bon envers vous, est-ce qu'on doit interdire ce genre de livre dans lequel il y a ce genre de paroles? Et l'imam Cheikh Abdelaziz ibn Baz, il a répondu, il a dit: yambari antu mazdaq. Il dit, il est obligatoire de les déchirer, en parlant de ce livre qui contient ce genre de paroles. Et ça, c'est la même position que la position des ulama parmi les salafs. Donc ça vient clarifier beaucoup de choses par rapport à ça. Après, il dit, وقال ابن قدامة, un des ulama, également les grands ulama, l'imam ibn Qudama al-Maqdisi, il a dit, parmi les éléments qui font partie de la sunna, il y a le fait de s'écarter déjà de la bid'ah et de se séparer d'eux complètement et d'abandonner les disputes et les discussions et les débats dans la religion, et de cesser de regarder dans les livres des gens de bid'ah ou de prêter l'oreille à leurs paroles. Et il dit: toute parole inventée dans la religion est une bid'ah. Ça, c'est tiré dans l'Um'atul I'tiqad. Et il dit également, pendant qu'il fait sa réfutation de Ibn Aqil dans son livre Tahrim al-Nazar, dans son livre Tahrim al-Nazar fi Kutub al-Kalam, il a écrit un livre sur ça, l'interdiction de regarder dans les livres de Kalam. Il dit, en ce qui le concerne lui, et son groupe parmi les gens de Kalam, on ne les a mentionnés que, il ne les a mentionnés que pour les blâmer et pour mettre en garde contre eux, et pour faire fuir les gens de s'asseoir avec eux, et pour ordonner de se séparer d'eux et de s'écarter d'eux, de les boycotter, et de cesser de regarder dans leurs livres. Ensuite, de cette, après cette parole, il dit, وَقَالَ الْعَلَّامَ ibn Muflih, dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, il dit que le cheikh Muwaffaquddin ibn Qudama al-Maqdisi, il dit dans son livre qu'il faut empêcher les gens de regarder dans les livres des Mubtadi'a. Et il a dit, les salafs interdisaient de s'asseoir avec les gens de Bid'a et de regarder dans leurs livres ou d'écouter leurs paroles. Et il dit, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a mentionné que toute chose qui incite au péché et qui interdit l'obéissance, alors ça fait partie de la désobéissance d'Allah. Et il dit, et parmi les choses qui font partie de ça, qui rentrent dans cette catégorie-là, le fait d'écouter les paroles des gens de Bid'a ou de regarder dans leurs livres pour celui à qui cela fera du tort, لِمَنْ يَدُرُّهُ ذَلِكَ, et qui appelle à leur voix et au péché et à la désobéissance d'Allah. Ça c'est rapporté dans Majmu' al-Fatawa. Et ensuite il cite les paroles de Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans son livre, dans son poème Al-Nuniya qu'on a cité plus tôt, et je ne vais pas le lire au complet, mais juste pour vous mentionner juste un exemple de ce qu'il dit. فَانْظُرْ تَرَى لَكِنْ نَرَى لَكَ تَرْكُهَا حَذَرًا عَلَيْكَ مَصَائِدَ الشَّيْطَانِ. Donc il dit, regarde dans leur lit, tu vas voir, mais il dit, mais le mieux pour toi c'est de les laisser complètement pour éviter que tu te fasses attraper par le shaitan, et que tu sois chassé par le shaitan, pris par le shaitan. Donc c'est mieux pour toi de faire attention et d'abandonner complètement leurs livres et de ne pas regarder dedans. Et il y a d'autres vers avant et après ça. Et le cheikh Mohamed Khalil Harras, dans son charh de An-Nuniya, il a mis un commentaire à propos de ces vers-là qu'on a mentionné. Et Mohamed Khalil Harras, il fait partie des ulama de Al-Azhar. Ulama Al-Azhar, la plupart d'entre eux sont des Asha'ira. Dans leur aqidah, c'est des Asha'ira qui nient les attributs d'Allah. Et ils se basent sur le kalam. C'est des gens de kalam. Okay? C'est pour ça que si vous voyez des gens qui ont étudié Al-Azhar, c'est des gens, en général là-bas, ils se spécialisent dans le fiqh, dans la langue arabe, dans l'usul, dans certains aspects du ilm al-hadith, mais dans l'aqidah, zéro. Et surtout qu'eux, ils apprennent l'aqidah des Asha'ira. Ils ne connaissent pas l'aqidah des salaf. D'accord? Donc, lui, l'imam, le cheikh Mohamed Khalil Harras, il avait décidé d'écrire sa thèse. Parce qu'il il étudiait la philosophie puis ce genre de choses-là, il allait faire sa thèse de doctorat pour réfuter Ibn Taymiyyah. Et quand il a commencé, après comme 3 mois, il a réuni plein de livres d'Ibn Taymiyyah pour commencer à les étudier puis les lire pour préparer sa réfutation et sa thèse de doctorat. Mais après avoir commencé à faire son étude et à lire les livres d'Ibn Taymiyyah, il a réalisé que c'est Ibn Taymiyyah qui avait raison. Donc il a décidé de changer sa thèse, et au lieu de réfuter Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre pour le défendre. Et ça a été le titre de son livre, c'est Ibn Taymiyyah As-Salafi. Donc il est publié, et sa thèse elle est publiée maintenant, c'est un livre que vous pouvez trouver dans les librairies. Et donc parmi les livres que le Cheikh Mohamed Khalil Harras, parce que Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, il était un de ses élèves, il a étudié avec lui. Et c'est le Cheikh lui-même qui lui a raconté cette histoire. Et donc c'est pour ça que quand j'ai entendu cette histoire, j'ai beaucoup aimé ça. Et parmi les livres que le Cheikh Mohamed Khalil Harras a écrit, il y a le Sharh de Al-Aqid Al-Wasitiyya de Ibn Taymiyyah. Il a fait le Sharh. Et aussi, il a écrit un Sharh de An-Nuniyya, du poème de 6000 vers de l'imam Ibn Al-Qayyim. Il a écrit des commentaires pour le clarifier, pour l'expliquer. Donc, parmi qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça, justement, ici, il dit. Il dit que quelqu'un ne pense pas qu'on est en train de faire une injustice contre ces gens-là. C'est-à-dire contre les gens de Bid'a, de qui on est en train de parler et contre qui on met en garde, et contre les livres de qui on met en garde. Il dit, voici leurs livres qui sont présents, c'est-à-dire les livres de ces gens-là sont là, et ils nous informent de ce qui est dedans, de ce que les ulamas de Ahlus Sunnah ont dit à leur sujet pour mettre en garde contre ces choses-là. Si vous ne croyez pas, et si vous pensez qu'on est injuste envers eux par rapport à ces choses-là, eh bien retournez à leurs livres si vous voulez voir. Et tu seras témoin, hein, un témoin véridique, tu verras que c'est des choses qui sont réelles. Hein? Tu regardes, que celui qui veut qu'il regarde dedans et qu'il voit pour se rassurer de la véracité de ce qu'on leur a attribué. Hein? Mais malgré ça, nous conseillons à chacun de ne pas lire ces livres pour ne pas que certaines de leurs des pièges et des cordes des gens de Bid'a vous attrapent et vous trompent. Hein, et vous fasse tomber dans certaines de leurs pensées et de leurs égarements. En particulier, si la personne en question qui va regarder dans ces livres-là n'est pas une personne qui est fermement enracinée dans les sciences du Coran et de la Sunna, et qui n'est pas capable de les comprendre correctement. Hein? Parce que les ulama, il y en a qui ont dit que c'est interdit de regarder. Tous les ulama, on a lu, maintenant on a vu, ils ont tous dit que c'est interdit de lire et de regarder dans les livres des gens de Bid'a. Sauf, ils ont dit, sauf exception, pour un savant, hein, qui est fermement enraciné dans la science du Coran et de la Sunna, et qui regarde pour les réfuter seulement. Ça dit, il ne va pas lire ça juste pour dire, ah, je suis curieux, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, ou ah, je veux me cultiver, hein, culture personnelle. Non, tu lis avec l'intention de le réfuter, qu'est-ce qu'il y a dedans, et c'est tout. Hein? Et c'est ça qui fait que, par exemple, Ibn Taymiyyah a réfuté des gens de Bid'a, il a réfuté des philosophes, il a réfuté des juifs, il a réfuté des chrétiens. Hein? Tu vois Ibn Taymiyyah qui écrit un livre, il écrit un livre qui s'appelle Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddala Din al-Masih. La réponse correcte pour celui qui a changé la religion de Al-Masih, c'est-à-dire Isa. Il a écrit un livre et dans son livre, il cite des passages de la Bible et des versets de la Bible, du Nouveau et de l'Ancien Testament. Tu vois que c'est quelqu'un qui a lu le livre. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans leur livre, il l'a lu au complet. Hein? Et donc ça c'est la preuve qu'il sait qu'est-ce qu'il y a dans leur livre, il l'a lu. Et il y a d'autres livres également, des gens de Bid'a qu'il a lu. Il a lu les livres des Rafidah, il a lu les livres des philosophes, il a lu les livres de ces gens-là, mais il l'a lu pour les réfuter. Et c'est pas juste qu'il a lu ça pour les réfuter comme ça. Un jour il s'est réveillé, il a dit je vais réfuter ces gens-là, non. Déjà, Ibn Taymiyyah, vous connaissez son éducation. Ses parents étaient des savants, son père était un savant, son grand-père était un savant, hein, et son arrière-grand-père était un savant. Il a grandi lui-même dans une maison de science. Il a étudié le ilm. jusqu'à, il a étudié le ilm, il a appris, mémorisé le Coran, il a appris le fiqh, le tafsir, le hadith, l'aqidah, l'usul, toutes les sciences de l'islam, l'oura, la langue arabe et tout. À l'âge de 18 ans, on l'appelait déjà cheikh. Et il enseignait dans la mosquée, hein. Il avait sa chaise dans la mosquée, il enseignait déjà. Donc, c'est quelqu'un, il n'a pas perdu son temps. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Donc, quand il a commencé à regarder dans les livres des gens de Bid'a pour les réfuter, c'est après qu'il ait acquis une base solide dans la, hein, de la science. C'est pas juste n'importe qui comme ça qui va se permettre de dire, ah, moi je vais réfuter. Non. C'est quelqu'un qui doit avoir des bases solides dans la ilm. Et donc, c'est pour ça qu'ici le cheikh il dit ça. C'est pas permis à quelqu'un de regarder dans ces livres-là, sauf s'il est fermement ancré dans les sciences du Coran et de la Sunna, hein, parce que, et qu'il est capable de les comprendre. Sinon, il risque de tomber dans les pièges de ces gens-là. Et une fois qu'il est pris dans ces pièges-là, il va tout faire pour essayer de s'en échapper et de sortir de leur piège, mais il ne sera pas capable. Hein? Il n'est pas capable. C'est comme lorsque quelqu'un, il s'en va pour écouter les gens d'innovation et de bid'a, il va dans leur conférence ou bien il s'assoit avec eux, il discute avec eux et il lui lance des choubouhats, choubouhats, choubouhats, choubouhats. Et lui, il est là, après ça rentre dans son cœur, il ne sait plus quoi faire pour s'en débarrasser. Et là, il ne sait plus à qui aller pour demander les réponses de ces choubouhats-là. Et là, il reste confus dans son cœur avec plein de doutes, plein de mélanges, plein de confusion, et il ne sait plus où est-ce qu'est la vérité et où est-ce qu'est le faux. Hein? Donc il dit, le péché, dans ce cas-là, c'est lui, c'est sa faute à lui, parce que c'est lui qui s'est mis dans cette situation-là, où il tombe dans l'erreur et l'égarement. Parce qu'il a laissé tomber les meilleurs fruits, sur les branches les plus hautes, et il est allé dans les poubelles, hein, et dans les déchets, dans les saletés, pour aller prendre les choses mauvaises, hein, les choses mauvaises, comme le font les vers et les insectes et les fourmis. Donc ça, c'est l'exemple de celui qui laisse qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est bon, et qui va chercher les saletés et les choses basses, comme les exemples de ce genre de choses-là. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant, et demain, inshallah, on va continuer la suite de ce chapitre, le chapitre 3, avec d'autres explications et d'autres exemples. Puis, on va, inch'Allah, essayer de conclure également avec quelques citations du chapitre 4, bi'ivnillah, pour avoir, inch'Allah, une vue plus complète de tout ce qui est mentionné dans les paroles du Cheikh, inch'Allah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين